Le journal d'internet sud-coréen Jeju Sibo fait savoir que les Coréens aux États-Unis ont tenu le 14 à New York une cérémonie commémorative du mouvement pour la démocratisation à l'occasion des 36 ans du soulèvement populaire de Gwangju du 18 mai. Y étaient présents des ressortissants coréens de New York, Washington, Boston, Virginie, etc. Ils ont exprimé leur volonté de graver dans le cœur l'esprit de la résistance populaire du 18 mai et de militer pour créer l'histoire juste et édifier une société sud-coréenne faisant cas des droits de l'homme et de la vie. Par la suite, on a lu une déclaration.